Lorsque Sinistros était mon assistant, j'avais pris l'habitude de lui confier les tâches les plus ingrates et déplaisantes à effectuer dans le laboratoire et la morgue. Maintenant et depuis pas mal de temps, il n'est plus ici. Il est reparti vers Goblinville. Toujours est-il que puisqu'il ne fait plus ses basses besognes, je dois les accomplir moi-même et cela m'emmerde royalement. Toutes ces tâches qui étaient requises et préparatoires afin que nous puissions procéder à nos abominables expériences de remise à la vie de tous ces cadavres puants et souvent inutilisables sont maintenant un véritable calvaire pour moi et me laissent plus de temps de bien faire les mauvaises choses. Je me suis questionné à savoir que devrais-je faire pour alléger le tout et retrouver une vie aussi anormale et malsaine que possible, telle que je l'aime. Eh bien, j'ai trouvé. Dorénavant, mes zombies sont tous made in China. Cheap laborers, cheap zombies. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il procède à l'importation de matières mortes contaminées et qu'il les réanime dans le but de contaminer encore plus. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Assistons à la chute de Satan. Go! Oh! republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Yeah! fun. Jeudi le 16 octobre, le Nord-Ouest Café reçoit sur ses planches le slammer bien connu, Manu Militari, qui va droit au but et droit au cœur avec des textes aux images aussi fortes que poétiques qui forcent les verrous de la morale bien pensante. 15$ en pré-vente, 20$ à la porte. En première partie, DMC. Pour une soirée hip-hop intelligente et sans compromis, rendez-vous au Nord-Ouest Café le 16 octobre prochain. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Pour le meilleur du métal progressif et obscur, ne ratez surtout pas Progression Chaotique, tous les mardis de 21h à 23h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. Samedi à 20h. Fou de découverte. 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, en ce 14 octobre de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement et ce jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire où nous avons eu de vieilles formations qui sont pratiquement tous en activité encore. Exciter, la pièce de Destructor que l'on retrouve sur Violence and Force. En fait, je dois vous dire que le bloc est consacré à l'année 84. Donc, Violence and Force, évidemment, qui est paru en 84 sur Megaforce. Exciter, qui sont toujours actifs. Dernier album studio complet paru pour cette formation canadienne, c'est Death Machine en 2010. Notez que ce sont encore un trio et ce sont les mêmes que dès le départ. Nous avions Running Wild, la pièce Diabolic Force, pardon, que l'on trouve sur Gates to Purgatory. C'est le premier album de cette formation, Running Wild, formation qui vient d'Allemagne. Et ils sont toujours actifs encore aujourd'hui. Et ce, depuis 1979. Il y a eu quelques petites années de pause, là, j'en conviens. Et la dernière parution pour eux, c'est 2013, Resilient. Donc, possiblement actif encore sur la scène. Wasp et la pièce School Days que l'on retrouvait sur... pour moi, c'est pas mal le meilleur album de 84, qui est le premier aussi, album studio complet, qui porte non simplement le Wasp. Encore ici, Wasp sont actifs. Par contre, eux, il ne reste que Blackie Lawless de la formation originale. Les autres sont tous partis. Notez bien que moi de même, avoir joué avec Blackie Lawless, je me serais probablement sauvé en courant plus d'une fois. On a ouvert avec Merciful Fate. Merciful Fate et la pièce Satan's Fall qu'on retrouve sur le premier album Melissa, qui est paru en 84, bien entendu, sur Roadrunner. Merciful Fate est une formation qui ne donne pas d'activité significative proprement dite sous le nom de Merciful Fate. Par contre, notez bien que King Diamond, lui, est toujours actif. Et il viendra ce vendredi 17 octobre à l'Olympia de Montréal. Il y a plusieurs années que King Diamond n'est pas venu. Si mon souvenir est bon, il doit y avoir au moins, je dirais peut-être, un 8 ans qui n'est pas venu faire un tour à Montréal. Donc, si Mercyful Fate n'est plus actif proprement dit, King Diamond l'est toujours. Ce soir, c'est la présentation du nouvel album d'Exodus, Blood In, Blood Out, qui est sorti vendredi dernier, soit le 10 octobre. C'est un album que j'ai découvert avec grand plaisir. Je vous en parle dans quelques instants. Par contre, je veux vous dire avant toute chose que samedi dernier, soit le 11, en compagnie, entre autres, du Rockmaster et de notre bon ami Jameson, nous avons assisté au lancement du livre « L'évolution du métal québécois », ouvrage paru... écrit, rédigé, devrais-je dire, par Félix B. Desfossés, journaliste à Radio-Canada. Le tout s'est commis aux catacombes. Et laissez-moi vous dire que ce fut une soirée fort agréable. C'était, je crois, en fait, pour ce qu'on a pu en voir, que c'était un franc succès pour le lancement de ce livre, parce qu'on a su que le livre était... en fait, ils avaient passé tous les copies qu'ils avaient avec eux. C'est une belle réussite. Félicitations, parce que c'est un très beau travail qu'ils ont fait. On les avait eu ici, le Rockmaster et moi, en entrevue vendredi dernier, en compagnie de Ian Campbell, qui est un collaborateur très près de Félix pour réaliser cet ouvrage. C'était une entrevue fort agréable, mais c'était une soirée aussi tout aussi agréable parce que, personnellement, je n'étais jamais allé aux catacombes et j'ai découvert l'endroit avec un grand bonheur. C'est tout à fait agréable. C'est vraiment bien pensé. C'est une salle qui est belle. Ça porte bien son nom, les catacombes, parce qu'en entrant, on rentre sur un mur de crâne, comme dans les catacombes de Paris, entre autres. L'ambiance est excellente, le son est bon, les éclairages sont parfaits. Et on a assisté aussi à un spectacle de Voivode qui, selon moi, a été mémorable. Un spectacle de Voivode qui était consacré uniquement à des choix des années 80, dans leur discographie qui sont dans les années 80. C'était vraiment tout un spectacle. Snake était considérablement en voix. Il semblait être très heureux d'être sur scène avec Away, avec Chewy, bien sûr. Et dans le Mongrain, bien sûr. Et aussi avec Dominique Larocque, qui était à la basse, qui remplace Blackie depuis quelque peu de temps avant le Heavy Montreal. Dominique est un chic type, d'ailleurs. On a pu discuter en fin de soirée avec lui. C'était fort agréable. Ce qui était aussi quelque peu avec dans le Mongrain. On a croisé Away. Le seul qu'on n'a pas vraiment vu, c'est Snake. Bon, on l'a vu, mais on n'a pas eu le temps de parler avec. Mais bref, c'était un très, très bon spectacle. Tout était bon. Tout était parfait au niveau de Voivode. Le son, le choix des pièces. Écoutez, moi, je préconise énormément l'album Roar. Ils n'ont fait qu'une seule pièce de Roar. Ils n'ont fait une seule pièce de War and Pain. Mais par contre, on a eu toute une prestation quand ils ont, en fin de spectacle, ils nous ont fait Astronomie Dominée. Bien sûr, qui est une reprise de Pink Floyd, mais c'était vraiment excellent. Tout au long, on a eu beaucoup de plaisir. C'était une soirée fort agréable. Je pense que les fans ont su beaucoup apprécier aussi. Et bref, je pense que tout le monde a retiré son compte de bonheur, pour ainsi dire. Et le livre, je vous incite fortement à vous le procurer parce que c'est un bel ouvrage, comme je le disais tout à l'heure, qui comporte énormément d'informations. Il y a beaucoup, beaucoup d'années de recherche dans tout ça. Il y a beaucoup de il y a des anecdotes, il y a des photographies, il y a énormément de choses pour vous instruire. Puis connaître cette scène-là québécoise au niveau métal, qui existe depuis bien des années et qui, comme je reprends les propres paroles de M. Desfossés, pourquoi est-ce que lui s'était attardé à cette scène principalement québécoise? Et puis, je pense que Ian Campbell a bien répondu à la question, je dirais, en complément avec Félix Desfossés. À cette époque-là, les groupes métal au Québec ne se copiaient pas. Ils étaient tous plus ou moins originaux, mais ils avaient tous leur propre formule. Et évidemment, je conviens qu'aujourd'hui, tellement de groupes qui existent, il y a tellement de styles qui ont été explorés sous la bannière du métal, que ça devient de plus en plus complexe et ardu de créer une forme d'originalité. Mais c'était ce qui en sortait le plus à l'époque. Et j'ai trouvé que c'était... J'y avais même pas pensé moi-même. J'ai trouvé que c'était tout à propos de le dire, que c'est une excellente raison de vouloir s'attarder à cette période-là, qui est, en fait, de 1964 à 1989. Mais faut dire que les années 60-70... ont comporté aussi des groupes et des artistes qui ont été des instigateurs, sans peut-être même le savoir ou sans le vouloir, d'amener vers une forme de proto-métal, vers ce qu'on a aujourd'hui. Donc, bref, tout ça pour vous dire que vous devriez vous procurer le livre. Ça vaut vraiment la peine. Exodus. Album qui est paru vendredi dernier, soit le 10 octobre, sous l'étiquette Nuclear Blast, un album qui porte le nom de Blood In, Blood Out, formation qui est plus à présenter, formation américaine, bien sûr, qui ont une longue feuille de route derrière eux et qui viennent de ramener depuis, je dirais, quand même un certain nombre de mois, là, l'avant-dernier chanteur qu'ils avaient, soit Steve Zito Souza, de son surnom, au détriment de Rob Dukes, bien sûr, parce que comme Gary Holt le disait, il dit en entrevue, il dit, on a décidé de commun accord qu'il était temps que les choses changent et qu'on a remercié à Rob d'avoir fait un excellent travail, mais qu'on devait passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est rien de nouveau, c'est qu'on nous ramène quelqu'un qui était dans la formation, dont le dernier album paru avec lui, Temple of the Dam. Personnellement, comme je l'ai dit sur la chronique du site de réanimation, je suis convaincu, ou c'est ce que je ressens dans tous les gens que je côtoie, qui sont amateurs de métal, et qui sont amateurs d'Exodus, bien entendu, je suis le seul, hormis ma conjointe, je crois, à apprécier le vocal de Steve Souza. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait un excellent vocal, et ça semble pas être le cas de façon générale. Donc, moi, j'étais déjà quand même assez ouvert à cet album-là. Je l'ai découvert il y a quelques jours à peine, bien entendu, et j'ai trouvé excellent. Ben, en fait, excellent. Non pas parfait, mais très bon, très bon. J'ai accordé une note de 8 sur 10, et je vous dirais que je l'ai écouté au moins 5 à 6 fois, et je le trouve meilleur de fois en fois. Peut-être que à la fin de l'émission, après avoir fait cette présentation-là, je lui donnerai un 8.5 sur 10, mais bon, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Comme je suis fou, je ne devrais probablement changer d'idée, ou à quelque chose du genre. Bref, je vous propose 4 pièces, qui sont les 4 pièces d'ouverture de cet album Blood In, Blood Out, qui sont respectivement Black 13, Blood In, Blood Out, pièce-titre, Collateral Damage et Salt In The Wood. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 invités, dont 2 qui sont assez significatifs, bien sûr, on parle de Kirk Hammett et on parle aussi de Chuck Billy, Testament, bien sûr, et respectivement Metallica, qui sont invités sur 2 pièces de cet album, dont Salt in the Wood, avec Chuck Billy. Donc, moi, j'ai trouvé ça excellent. Et je vous dis tout de suite, cette semaine à Rock Classic, soit ce 17 octobre, je présenterai encore l'album, mais avec 3 autres pièces, par contre, évidemment, vous comprendrez dans le cadre du 3 pour 1 traditionnel. Sans plus attendre, 4 pièces d'Exodus, c'est parti, go!

ce n'est pas assez pour moi, deux fois par semaine. J'ai besoin de plus. Je ne peux pas plus que deux fois. Je suis trop occupée. Si seulement on pouvait trouver une façon de le faire plus souvent. Mathieu, c'est la deuxième fois que je vous surprends à vous animer sans moi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Stéphanie, je te le laisse. Bon, ben, voilà qui règle notre problème. Assemblage requis maintenant avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis, mais sans Jean-Philippe Charbonneau. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Toute ressemblance à des personnages ou des situations réelles est purement fortuite. Jean-Philippe fait toujours partie de l'équipe et qu'on anime les palmarès, c'est fou cette année. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Exodus, quel excellent album, Blood and Blood Out. On vient d'entendre quatre extraits, les quatre premières pièces de cet album, soit Salt in the Wood, in the Wound, pardon, celle dans les plaies, Collateral Damage, Blood in Blood Out, qui est la pièce titre, bien entendu, et Black 13. Et pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore entendu l'album, le début de Black 13 semble être noisy un petit peu. C'est voulu, ça n'est pas une problématique de retransmission radiophonique ou de l'équipement ici. Non, c'est cette espèce de je dis pas du hum, c'est une espèce de silage, si vous voulez, de noisy, là, de bruit fatigant, ben, c'est voulu. Ben, vous allez voir, vous avez pu constater de toute façon que ce n'était que dans la première partie de la pièce qui se veut une forme d'introduction aussi. C'est le 11e album studio complet pour cette formation Exodus dans les rangs dans lesquels il ne reste bien entendu que des membres les plus anciens, Tom Hunting, évidemment le batteur, et Gary Holt. Notez que Gary Holt est arrivé quand même 3 ans après Tom Hunting, qui lui est vraiment là, du début 1979. Gary Holt est arrivé en 82. Il est parti 3 ans entre 94-97. 3 autres années après 98 pour venir en 2001 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'il joue aussi avec Slayer, principalement les spectacles. Le statut officiel de Gary Holt via Slayer n'est pas encore totalement défini. Est-ce qu'il est un membre à part entière? Est-ce qu'il est simplement musicien de studio, musicien engagé pour le studio, musicien engagé pour les spectacles? J'en ai aucune idée, quoi qu'il en soit. Il semble faire un très bon travail avec Slayer aussi, mais je ne crois pas qu'il va laisser tomber Exodus. D'ailleurs, la preuve est que ce nouvel album, eh bien, il en est en partie responsable. Comme je le disais, je vais vous présenter 3 autres pièces cette semaine à Rock Classic ce vendredi, dans le cadre du 3 pour 1 qui seront, en fait, au total, si vous écoutez Réanimation, si vous écoutez Rock Classic, vous aurez entendu pratiquement l'entier de l'album. N'est-ce pas merveilleux? Côté musique aussi, autre truc que je vais vous présenter la semaine prochaine, c'est le nouvel album de la formation américaine Revocation et l'album Deathless. Qui est signé sous l'étiquette Metal Blade Records. Personnellement, je suis pas un grand fan de Revocation. Je respecte ce qu'ils font. Cet album-là m'a peut-être un petit peu moins plu que les autres parce que j'ai eu tendance à percevoir une espèce d'essence ou une épice core à travers certaines pièces qui me déplaisent et peut-être une petite sonorité qui, moi, en fait, m'a agressé légèrement à l'oreille. C'est une sonorité de ce qu'on retrouve souvent dans les formations européennes de Melodic Death Metal. Ça m'a un peu moins plu et je trouve que c'est un petit peu redondant à la longue. Mais cela dit, comme je l'ai dit dans ma chronique sur le site de Réanimation, à part ça, c'est correct comme album. À part tout ça, vous allez me dire oui. Mais bon, j'ai donné une note de 6.5 sur 10, ce qui est, de ma part, correct. Mais sans plus. Mais de toute façon, pour vous en donner une bonne idée, la semaine prochaine, nous allons explorer cet album-là ensemble. La production est tout à fait bonne. La pochette laisse un peu à désirer, selon moi. Ça fait un petit peu missé sur les bords, là. Mais bon. Mais c'est une formation qui a quand même un produit de qualité, généralement. Donc, Deathless, nous explorerons cela ensemble la semaine prochaine, j'attends avec impatience le nouvel album de Abysmal Down qui devrait paraître le 24 octobre, soit Obsolescence. J'ai vraiment hâte de l'entendre, j'ai vraiment hâte de vous le présenter aussi. Et pour les amateurs de musique un petit peu moins agressive côté métallique, mais qui donne dans un excellent stoner metal à forte tendance psychédélique par moment, il s'agit de Monster Magnet qui sortiront le 18 novembre prochain un nouvel album qui est Milking the Stars. Donc moi, je suis un amateur de ce qu'ils font parce que je trouve que c'est assez original. En même temps, c'est par moments très éclaté. Donc, ça devrait être fort intéressant pour les amateurs de musique que vous êtes, si vous en êtes bien sûr. Côté cinéma, écoutez, j'ai vu des choses absolument... Au courant des dernières semaines, je vous disais que j'avais vu des choses vraiment mauvaises. C'est des segments comme ça, des séquences où, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau cinématographique, il y a des séquences qui sont vraiment décevantes, voire pas bonnes du tout. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment bonnes, et ce fut le cas pour la semaine dernière et le week-end, en fait, ce que j'ai pu y consacrer. C'est des films qui sont, ma foi, qui sortent de l'ordinaire, et qui, entre autres, un porte le nom de Deliver Us From Evil, qui ne pas confondre par un autre film du même titre qui des années 90, qui n'est pas très bon. Celui-là est vraiment 2014. Il est signé Scott Derrickson et il met en vedette Eric Bana. Eric Bana, pour le situer, ben, rappelez-vous du premier Incroyable Hulk. Pas la série télévisée, bien sûr, mais bien le film. C'est un acteur qui, moi-même, le premier, je l'ai sous-estimé, alors que dans ce film, Deliver Us From Evil, il est très bon. C'est un film d'horreur qui traite de possession diabolique et qui raconte l'histoire de deux policiers de New York qui se rendent compte que des événements étranges se produisent, que des bébés sont abandonnés dans des containers à déchets, ce qui est tout à fait horrible. Moi-même, je ne ferais pas ça. Qu'une mère projette son enfant en bas âge dans une fosse dans le zoo de Brooklyn, alors que c'est une fosse qui est habitée normalement par des fauves. Et qu'un personnage est présent sur les lieux, et on découvre sur les bandes vidéo de surveillance, que ce personnage-là semble être très très étrange, en même temps, il semble avoir un contrôle total sur cette personne-là. Femme qui est découverte dans le zoo, qui est complètement, c'est le cas de le dire, possédée, qu'ils amènent au poste de police pour finalement décider de la faire interner. Et il y a un jésuite, un prêtre jésuite qui rentre en scène, qui est quelqu'un qui a vécu l'enfer lui-même sur toutes les formes de ses coutures, et qui maintenant, non pas habillé comme un jésuite, pas du tout, il est habillé en veste de cuir et ainsi de suite, cheveux longs, et qui met au fait le policier qu'il y a des choses étranges qui se passent ici dans la ville. Je peux t'expliquer ce qu'il y en est. Ce sont des cas de possession, et lui est très sceptique, mais ainsi de suite, ils vont teamer ensemble pour découvrir que, effectivement, plusieurs personnes qui sont reliées entre elles, qui étaient des militaires, entre autres, sont possédées du diable, pas nécessairement du diable, mais d'un démon. C'est vraiment excellent comme film. C'est vraiment bon. J'ai donné 8.5 sur 10. C'est original. Ça remet le cinéma d'horreur de possession à jour. Ça lui donne un renouveau. L'histoire, le scénario est bien apporté. Il est bien interprété. Il y a beaucoup d'épisodes mystiques dedans qui sont fort captivantes. Moi, je vous le conseille absolument. Deliver Us From Evil, mais celui de 2014. Autre chose... Un film que j'ai fort apprécié, qui est un film fantastique, mais qui a quand même une certaine tendance horreur, même parfois voire gore. Et il s'agit d'un film qui est signé d'Alexandre Aya. Alexandre Aya, ça nous a donné quand même pas mal de films, puis certains assez intéressants, et qui met en vedette Daniel Radcliffe. Oui, le Harry Potter lui-même, là. Le film s'appelle Horns, comme corne au pluriel en anglais. Et raconte l'histoire de ce personnage qui a un nom assez particulier. Je me rappelle plus trop quel était son nom, parce que c'est un nom vraiment particulier. Peu importe, il a un surnom dans ça. Et il connaît une jeune fille quand il était très petit garçon, qui avait son âge, ils grandissent ensemble, deviennent amoureux, ainsi de suite. Ils projettent, ils ont beaucoup... qu'il se fréquente depuis bon nombre d'années. Ils projettent de se marier. Et lui, la journée, le soir où il décide de la demander en mariage, elle rompt avec lui. Lui dit que elle ne l'aime plus, qu'elle ne veut plus rien savoir. Et puis que, elle quitte la ville, elle quitte même carrément l'État. Elle s'en va en Californie. Et lui, il le prend très, très mal. Il pique une colère dans les restaurants et ainsi de suite. Il se fait mettre à la porte du restaurant. Et il part sur une dérape monumentale pour se retrouver au lit avec la serveuse d'un bar qu'il fréquente, qui, lui, ne l'intéresse pas habituellement. Mais il se réveille avec quelque chose qui lui sort du front, qui sont des cornes. Ça a l'air un peu étrange comme ça, mais l'histoire prend tout son sens parce que les cornes poussent de plus en plus, et ces cornes-là lui attribuent le pouvoir que lorsqu'il fréquente des personnes, des gens, peu importe, qu'il connaît ou qu'il connaît pas, ces gens-là se sentent forcés de lui avouer leur plus grand secret caché, les vérités toutes crues comme elles le sont, et lui, il ne comprend pas au début ce qui arrive parce que les gens lui disent des choses tout à fait affreuses, comme ça, alors qu'il ne les connaît même pas. Il se rend compte que ce sont les cornes, lorsqu'elles sont perçues par quelqu'un, cette personne-là possède une certaine forme de mal en elle, et ces cornes-là l'obligent à se confesser d'une certaine façon, et à travers ça, sa fiancée est retrouvée morte. Il est accusé, et il se sert de ce pouvoir-là pour être capable de finalement d'élucider le crime, dont il se sait non coupable. Bon, ben, je le dis. C'est original, c'est vraiment original comme film. Il y a des scènes qui sont assez épouvantables, là, comme des têtes qui explosent par moments, là, puis c'est mis dans un contexte qui est parfois fantastique, mais aussi on vient nous rentrer dedans à brûle pour point avec des scènes assez horrifiantes. C'est très bien. Je donne un 8 sur 10. C'est très bien. D'ailleurs, et Heather Graham joue un rôle dans ça, qui est une parfaite salope, là, qui elle, a décidé qu'elle le dénoncerait, puis qu'elle inventerait toutes sortes de menteries, rien que pour pouvoir faire les couvertures des magazines à potin et être capable de passer aux informations télévisées, alors qu'elle sait pertinemment que le gars n'a rien à voir avec le meurtre de cette fille-là. Bref, c'est un film intéressant, fort intéressant, Horns. J'ai vu d'autres choses. Mais le temps presse un peu, je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine. Je vais conclure cette chronique cinéma en vous parlant du film à revoir ou à découvrir. Il s'agit d'un remake, oui, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, il y en a des bons. Et The Thing, qui est un remake de 2011, est un excellent exemple d'une reprise cinématographique qui, originellement, est de John Carpenter dans les années 80, qui met en vedette Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, que je ne connais pas, et Ulrich Thompson. C'est un très bon remake. The Thing, c'est quand même un des classiques de l'horreur, là, des années 80 de John Carpenter. Faut avouer qu'il n'a pas fait juste des navets, là. Il a fait des bons, qui étaient avec Kurt Russell, qui se passe dans une base en Alaska, je crois, une base nordique. Bref, ce remake-là est très bon. Il est beaucoup plus flamboyant, bien sûr, mais on n'axe pas tout sur les effets spéciaux. Le scénario se tient beaucoup et le jeu des acteurs est excellent. Donc, The Thing, c'est le remake. C'est un film auquel j'attribue un 8 sur 10 sans aucune retenue. Je vous parlerai des spectacles un peu plus tard. Maintenant, allons faire un tour musicalement. Ben oui, évidemment, dans une section un peu plus death metal. On va aller écouter trois pièces qui sont respectivement le Cannabis Corpse, de Bauchery et Six Feet Under. Donc, allons-y. Cannabis Corpse et THC Crystal Mountain. Go!

Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, maintenant en format 90 minutes pour plus de contenu, tous les lundis matins à 9h30. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. Avant cette pause publicitaire, nous avons eu Six Feet... Je vais vous mettre Six Feet Under. Nous avions Debauchery et la pièce Demon Slayer. On retrouve sur leur dernière parution 2013, soit Kings of Carnage. C'est sous étiquette Massacre Records. Et nous avions ouvert avec Cannabis Corpse, une pièce tirée du dernier album From Wisdom to Bate, soit THC Crystal Mountain. C'est paru il y a quelques mois sur Season of Mist, quelques mois à peine. Je vous rappelle que samedi 25 octobre prochain, SMP Productions présente le massacre de l'Halloween, party costumé qui se tiendra au Rock Café Le Stage. En mettant en vedette les formations Fuck the Middle East, un hommage à Stormtrooper of Death et à Celtic Frost aussi. Et c'est la fête du batteur, notre ami Bard. C'est aussi Serial Killers qui est un hommage à Green Jello, ainsi que Outlying et je suis incapable de lire l'autre. C'est pas grave. Je peux pas vous dire. C'est pas grave. C'est au coût de 10$. C'est samedi 25 octobre 2014. L'ouverture des portes à 19h et le spectacle débute à 20h. Aussi, côté spécial, BCI propose le samedi 18 octobre prochain, c'est ce week-end, Elvity en compagnie de Tyr et Metzatol. C'est à 20h, c'est au Théâtre Corona. Il en coûtera $25 et $30, taxes incluses. C'est disponible à billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy, en compagnie de Creator, Huntress et Starkill, seront le lundi 27 octobre à 19h au Metropolis. Il en coûtera $30 et $43 et $34 et $78 plus taxes pour y avoir accès via Ticketmaster. Il y a des billets en vente VIP sur le site de BCI, Brave Concert International. Et le Carnival of Death version 2014 mettra en vedette Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Internal Bleeding. C'est lundi le 3 novembre prochain à 18h au Fofounes Électriques. Il en coûtera $22 et $27 pour y assister. Voilà. Nous allons poursuivre avec Six Feet Under. Effectivement. Une pièce tirée de leur album Unborn, plus récent paru, The Curse of the Ancient. Go!

Decide. Et la pièce d'ouverture du dernier album paru de cette formation américaine, excellente formation de death metal, When the Minds of Evil, c'était la pièce titre, d'ailleurs, qui est parue en 2013 sur Century Media. Juste avant, nous avions Bloodbath et la pièce AIDS Rising, que l'on retrouve sur, c'est presque encore le dernier paru. Il s'agit de Fathomless Mastery, paru en 2008 sur Peaceville, parce que Bloodbath, nous sortirons le 17 décembre prochain un nouvel album qui portera le titre de Grand Morbid Funeral. Et le chanteur sera Holdnick. Holdnick, c'est Nick Holmes que l'on retrouve dans Paradise Lost. Et Holdnick, c'est aussi le surnom qu'on donne au diable en Angleterre. C'était précédé de Torture Killer et la pièce Forever Dead que l'on retrouve sur Swarm qui est paru en 2006 sur Metal Blade. Et juste avant cette pause, nous avions encore... Nous retrouvions Chris Barnes avec Six Feet Under et la pièce The Curse of Ancients que l'on retrouve sur Homeborn, album paru en 2013 sur Metal Blade. La semaine prochaine, je vous rappelle que je vous présenterai l'album de je sais tu moi. Quelque chose du genre quelque chose là, je sais plus trop là, j'y perds mon compte. Il s'agit de la formation Revocation et la pièce Deathless. Et je vous laisse sur une dernière pièce parce que restez en onde, parce que dans quelques instants, vous pourrez retrouver l'émission. Rappelle-la-moi. Progression chaotique. J'ai plein de blancs de mémoire ce soir. Je suis désolé, mon ami. C'est une excellente émission qui donne dans une progression chaotique, n'est-ce pas? Je vous laisse avec une excellente pièce, une formation très, très puissante. Il s'agit de Crazian et la pièce Minotaur. On se retrouve la semaine prochaine. Et évidemment, n'oubliez pas ce grand conseil de votre humble docteur qui est celui-ci. Allez toujours faire foutre. Go!